Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et c'est François Grégoire qui vous parle. Je suis avec notre sexologue Julie Rouleau qui nous emmène aujourd'hui sur un terrain méconnu qui affecte quand même 30% des hommes, l'andropause. Bonjour Julie. Bonjour François. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Tu sais quoi, en ce début d'automne, j'ai eu envie de parler d'une réalité, comme tu le disais, plutôt silencieuse, donc l'andropause. Dans la culture populaire, il est souvent question de ménopause, mais il n'est pas commun d'entendre parler des réalités liées à l'andropause qui touche les hommes. Ouais. C'est ce que je vous propose aujourd'hui, inspiré des outils de mes amis de l'organisme sans but lucratif S'explique, qui offre de l'éducation à la sexualité aux adultes, aux aînés, et qui démystifie les phénomènes de la ménopause et de l'andropause. Donc, ça pourra peut-être vous aider à aborder le sujet dans votre entourage autour d'un feu de foyer, qui sait. Oui, puis d'ailleurs, je pense que c'est un sujet qui ne doit pas être beaucoup abordé entre hommes. Hein. Alors, l'andropause touche les hommes, mais est-ce que tu peux nous introduire à ce concept? Qu'est-ce que l'andropause? Ben, en fait, l'andropause correspond, en fait, à un phénomène associé au vieillissement du corps masculin, simplement. Donc, c'est le moment où un ensemble de manifestations psychologiques et physiques peuvent apparaître à la suite d'une diminution progressive du niveau d'hormone androgène, la testostérone. Okay. Cette transition, j'aime bien ce terme d'ailleurs, gardez-le en tête, affecte l'énergie physique, mentale et sexuelle de manière variable selon la personne. Donc, les signes apparaissent généralement autour de la cinquantaine, entre 45 et 60 ans. Tu seras peut-être surpris, François, d'apprendre que ce ne sont pas tous les hommes qui vivront d'andropause. Comme tu l'as dit, c'est seulement, entre parenthèses, 30 % d'entre eux. Aussi, contrairement à la ménopause, chez les corps féminins, l'andropause ne marque pas la fin de la fertilité. On associe souvent l'andropause comme l'équivalent masculin de la ménopause, mais ces deux phénomènes ne sont pas entièrement équivalents. Donc, alors que la ménopause s'accompagne d'une chute importante d'hormones féminines, pour l'andropause, les hormones masculines diminuent de façon progressive à partir de la trentaine. Mais dès la trentaine, c'est quand même surprenant. Quels sont les effets sur les corps masculins? Ben, dans le corps masculin, l'hormone, la testostérone, est produite et sécrétée en très grande quantité à partir de la puberté. Toutefois, chez certaines personnes, la concentration en testostérone baisserait d'environ 1 % par année à partir de la trentaine. Cette diminution est graduelle. Les manifestations liées à l'andropause surviennent généralement de façon subtile et progressive. Donc, avec l'avancement en âge, la majorité des corps masculins vont vivre des changements qui s'inscrivent dans le processus naturel du vieillissement, par exemple diminution de la masse corporelle, plus grande fatigue, un désir sexuel moins marqué. L'andropause peut toutefois être responsable des manifestations suivantes là, qu'on va regarder ensemble. Donc, des bouffées de chaleur, ça nous rappelle la ménopause quand même. Une certaine insomnie qui peut amener un épuisement physique et mental, occasionner des sauts d'humeur, de l'irritabilité, des palpitations cardiaques. Les troubles de la mémoire, concentration qui peuvent se développer, une certaine détresse psychologique, l'adaptation au changement qui s'effectue pas de la même façon pour chacune des personnes. On peut noter une modification de l'apparence, une baisse du tonus, variation de la pilosité, une nouvelle répartition de la graisse et une modification du plaisir sexuel physique. Donc, on parle d'andropause seulement lorsque ces changements sont accompagnés d'un niveau anormalement bas de testostérone. Il doit donc y avoir et des manifestations et une baisse de testostérone dans le sang. Ça prend les deux, c'est ça? Exact. Alors, il devient donc, j'imagine, primordial pour les hommes qui vivent ces symptômes de rencontrer leur médecin pour les accompagner dans ce changement. Est-ce que c'est le cas? Mais effectivement, puisqu'il est possible de mesurer la quantité de testostérone afin de poser un diagnostic d'andropause puis d'estimer à quelle intensité ces manifestations sont vécues. Donc, pour mieux orienter leurs patients, les professionnels de la santé demandent parfois au préalable de remplir le questionnaire ADAM, donc Androgen Deficiency in Aging Men, ou le AMS, Aging Males Symptoms. Donc, en fait, en présence des manifestations pouvant laisser présager l'andropause, c'est important d'éliminer d'autres possibilités de maladies comme la dépression, le syndrome de fatigue chronique, l'obésité, les troubles sexuels, la fibromyalgie ou encore l'hypothyroïdie. Donc, on a un bon diagnostic. Ben, exactement. Donc, le professionnel de la santé va suggérer d'autres examens médicaux là, pour vraiment s'assurer que c'est bien l'andropause. Et est-ce que des hormones de remplacement peuvent être prescrites aux hommes, comme c'est le cas pour la ménopause chez la femme? Bien, après une évaluation physique et psychologique, si un diagnostic d'andropause, là où la médecin peut suggérer un remplacement hormonal à la testostérone synthétique. Donc, l'objectif est alors d'améliorer la qualité de vie en atténuant les inconforts. Par contre, en 2019, il n'y a pas d'alternative de traitement naturel développé spécifiquement pour atténuer les manifestations de l'andropause. Malgré tout, certains changements dans les habitudes de vie peuvent influencer positivement les impacts de l'andropause sur la vie et sur la sexualité. Et est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour mieux vivre cet état d'andropause? Bien, effectivement, je trouve important de profiter de cette tribune pour informer nos auditeurs et auditrices qu'il existe quelques astuces à intégrer au quotidien pour mieux vivre avec les manifestations là, de l'andropause ou de l'avancement en âge. Donc, ces quelques trucs vont pouvoir éventuellement permettre de diminuer les impacts sur la vie sexuelle et continuer à la vivre pleinement puisqu'ils sont encore jeunes. Alors, on y va? On évite la consommation d'excitants comme caféine, alcool, chocolat. On recommande de faire de l'exercice, pratiquer des techniques de relaxation comme le yoga, la méditation. On prévoit un bilan de santé annuel, incluant un dépistage des troubles de la prostate. On pratique les fameux exercices de Kegel qui renforcent les muscles pubo-coccygiens. Ah, oui. Oui. On continue à donner et recevoir des caresses afin de conserver une intimité émotionnelle. On contre ainsi l'isolement. C'est important de partager vos attentes et vos capacités avec votre partenaire. On prend son temps, le corps ne réagit pas comme avant et finalement, on peut adapter les positions sexuelles pour éviter les blessures. Évidemment, ces changements doivent avoir un impact sur la sexualité. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Oui, effectivement, l'andropause peut amener des modifications dans les différentes étapes de la réponse sexuelle dont on a déjà parlé, du corps et de l'esprit. Donc, ce sont des changements normaux qui peuvent être vécus de manière différente d'une personne à l'autre. Donc, il peut arriver qu'une stimulation plus directe et plus longue soit nécessaire pour mener à une érection qui peut aussi se faire attendre. Certaines personnes peuvent perdre leur érection et ça, c'est pas nécessairement en lien avec leur niveau de désir ressenti, mais c'est nouveau pour eux. Il y a un besoin aussi de vivre un orgasme qui peut diminuer. Uh-huh. C'est important de le mentionner. Lorsqu'il y a un orgasme, la durée ainsi que l'intensité peuvent être diminuées. Le sperme sera aussi présent là, en moins grande quantité. À la suite d'un orgasme, le pénis peut prendre plus de temps qu'auparavant à avoir de la capacité d'être en érection. Uh-huh. Et finalement, le désir sexuel, tout simplement, peut être diminué. Alors, Julie, c'est vrai qu'on entend peu parler d'andropause. Par contre, les pharmaceutiques, elles, nous parlent de dysfonction érectile jusque sur les panneaux d'autoroute. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, je trouve ça intéressant d'en parler en parlant d'andropause. Tout parce qu'une dysfonction érectile, donc on parle d'une difficulté ou une incapacité à obtenir une érection, peut survenir à tout âge. C'est pas nécessairement lié au vieillissement ou à l'andropause. Donc, selon le Conseil canadien sur la santé sexuelle de l'homme, environ le tiers des hommes éprouveront à un moment ou à un autre de leur vie des problèmes d'érection, donc pas nécessairement l'andropause. Le physique et le mental étant toujours reliés, il n'est pas rare que la cause de dysfonction érectile soit le stress, la fatigue ou encore l'anxiété. Dans d'autres cas, il peut s'agir de problèmes d'érection découlant d'une mauvaise habitude de vie, par exemple le tabagisme, la prise d'un médicament ou encore d'une condition médicale, par exemple le diabète. Donc, j'en profite ici pour vous dire qu'une consultation avec un professionnel de la santé peut s'avérer nécessaire pour écarter tout problème de santé si aucune cause probable est soulevée et que la situation perdure. Et est-ce que tu aurais un petit dernier mot d'encouragement pour terminer? D'encouragement. Mais en fait, François, c'est important d'avoir des bons modèles en tête en vieillissant. Donc, une personne avec une attitude positive envers le fait de vieillir, plus son attitude est positive, plus elle va s'adapter facilement aux changements qu'amène l'avancée en âge, dont l'andropause. Et plus elle sera en mesure de se sentir satisfaite de sa vie en général ou sa vie sexuelle. Donc, informez-vous, chers auditeurs et auditrices, et parlez de vos préoccupations, c'est la clé. Oui. Alors, j'imagine que c'est préférable d'aller voir le médecin avant le sexologue, probablement. Ben, pour parler de ses préoccupations, une sexologue, là, peut être tout à fait la personne appropriée. Okay. Et j'ai nommé l'organisme s'explique qui peut démystifier ses problèmes. N'hésitez pas à les appeler ou les contacter. Merci infiniment, Julie. Alors, nous allons faire une petite pause musicale. Et sur CKRL 89.1. Et au retour, ce sera Marie-Claude Dionne pour la chronique sur l'archéologie.